Oh non, je vous suis là. Je viens de me taper 4 heures de comptage et la tête comme une citrouille. Surtout que c'est pas ma tasse de thé en plus. Là, je suis sur la scène de mon restaurant. Je suis fermé aujourd'hui, j'en profite pour aller sur Ninjam.